Et venez les potes, venez chez moi, y'a pas papa. Et venez les potes, y'a pas papa, y'a pas papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Et venez les filles, bijou chouchou liti gata. Coucou zizi, mimi papa, y'a pas papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Piqué dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un pain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi dans de la, voilà papa. Et dis Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gaffe les potes, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi dans de la, voilà papa. Et Cristobal, laisse dans ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc il amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini rigolade, la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut trotte avec Yana, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et dites tes potes, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, on croirait pas. Qu'elle est Vénus, tiens, la v'là qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze, ça, c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites tes potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où elles sont les filles, oui les papas, où elles sont les filles, oui les papas, où elles sont les filles, oui les papas. Et dis Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.